cette aiguille d'un bateau au bout de la viande. Je souhaite la chenille sous les yeux des boulets. C'est des mauviettes, nous j'aime dessus. Plus rien, ça vaut rien. Retoucher, allez tous venez bouffer chez mes carottes grises. Si tu savais à quel point la tomate est constipée. Il n'est pas d'effet qu'elle sort une couleur de merde. Quand tu manges des épinards, vous payez putain de sale type. De s'animer payé par ce gouvernement. Putain, putain, mais bordel, mais putain. Purée de crotte, mais mercredi. Mais merde, bâtard, merde, mais merde. Non, non, je dis non, je dis non, non. Dans la gueule de ses bâtards. Légumes, légumes, je voudrais te voir crever. Te venir sans t'avoir digéré. Mettre du désert dans une table. Le chien.